à la mort d'un proche, plein de reproches, de peine et de remords, de rage et de pression. Ton visage dans un caisson, une image de toi rêvant, de succès à l'horizon. Les mots font mal, car les récits sont indélébiles. Les sentiments se dévoilent et la tristesse se devine sur nos visages. Parce qu'à ce que personne n'envisage, hier tu étais présent, aujourd'hui tout est mirage. 16 rimes pour un hommage, paix à ton âme. La fatalité frappe, elle te prend et elle nous condamne à vivre dans les souvenirs, à repenser notre avenir, à défier le temps dans l'attente de ton devenir. Tristesse, attaque à ma gamme, Freddy cassé mes larmes et mon ego s'est alarmé. Une pensée pour toi, Kesdo, une stature de bonhomme. On se reverra, mon frère, c'était juste que c'était ton heure. Et toutes ces graines à tes clics, clic, clic, Paris S, Freddy dans l'histoire, pour le S, baisse les stores. On est en deuil, réunis avec Storm. Au nom de ma ville, j'passe le salam, famille Zati, on est en larmes. On est en larmes, autour de cette team. Mais toutes ces teams de l'Est, Freddy t'accorde beaucoup d'estime. Merci pour ton appui et pour tes thèmes. Notre héritage, notre jeunesse et nos clips, Freddy, on t'aime. Notre mouvement père un de ses fils les plus acharnés. Le souvenir, tes pochettes et ton regard charmant. Artiste complet, producteur, entrepreneur. Ouvrez vos cœurs, prenons exemple sur ton intégrité et tes valeurs. Parce qu'après c'est trop tard, faut pas comprendre que les aimer une fois qu'ils sont pas. C'est juste le mal dans notre peau. Mais t'étais l'oxygène, musique dans notre poésie. Et on témoigne ici, ça portait ton esprit. Toujours prêt à servir tes semblables, tes amis. Freddy, t'habitions à Paris. T'étais prêt à suivre jusqu'à N'Djamena. Réaliser nos projets, c'était jamais non. Toutes mes condoléances les plus profondes à la famille Zadi, marquée, blessée au fond de nous. Et de cette soirée du 5 novembre 2007, il nous reste ton soutien, ton exemple et tes jolies fossettes. C'est toute la France et nos banlieues Est qui te rendent hommage dans notre patrimoine, tu restes. Freddy K, ATK, hommage, t'as écrit dans l'histoire un maximum de pages. J'ai plus quoi dire, comment trouver les mots. Comme annonce à une mère que son fils a trouvé le repos. Tout s'est passé si vite, hier on était avec toi. Aujourd'hui tu n'es plus là, Freddy K. Toi qui aimais cette musique, qui a tout misé dedans. À cet instant tragique, si on pouvait remonter le temps. Le soir où tu as pris cette route. Ce texte vient du cœur, j'aurais souhaité que tu l'écoutes. C'est pour la famille Zadi qui te pleure. Pour tes amis, sous ton cercueil qui ont posé ses fleurs. Repose en paix car tu étais un homme d'honneur. Repose en paix car tu étais un homme de cœur. J'sais pas quoi dire, comment trouver les mots. Mais t'avais trop de choses à faire avant de trouver le repos. T'avais tant de projets, tant de rêves. Alors je verse une larme pour un frère parti trop tôt. C'est pas au revoir mais un adieu qu'on dit ce soir à un frère. J'préfère sourire quand je pense à toi plutôt que chialer sous les chaumières. Rappel a été clair, on se retrouvera un soir ou l'autre après tout le boucan. Comme tu t'en doutes, ça a été très vite la panique. Qu'est-ce dont ma peine et ma tête bouillonne à ces mots qui résonnent. Puis y a eu la réflexion, puis y a eu la réflexion, puis y a eu l'introspection. Et la radio qui scande ton nom, je réalise la fin du morceau. Il manquera un général sur le front, Freddy. Il manquera un couplet sur le morceau, Freddy. Je culpabilise, sentiment inachevé apparaît dans la crise. Puis la vie suit son cours, malgré les troubles et l'incompréhension du mec tout. Et je vois ton blas, son répertoire téléphonique. Et comment faire de la rhétorique quand dire au revoir à un poteau. Et de ce morceau, la thématique. Comment dire au revoir à un poteau. De à tes clics, à tes clics, à tes clics, à tes clics, à tes clics, à tes clics, à tes clics. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas.